بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Aujourd'hui, le dimanche 22 ذو الحجة 1442 de l'Hégire, correspondant au 1er août 2021. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre notre étude de Durus al-Muhimma bi'ammati al-Umma de l'imam Abdelaziz ben Baz, qui est décédé en l'an 1420 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Umma. Donc aujourd'hui, c'est un cours un peu particulier, car le sujet est d'une grande importance dans notre religion. Et ce sujet, on a tous besoin de se le rappeler souvent. C'est le sujet du bon comportement et des bonnes éthiques et moralité. C'est un sujet capital dans la religion de l'islam. Et c'est un discours du cœur au cœur, incha'Allah ta'ala, à travers lequel nous espérons tous améliorer et perfectionner notre comportement avec toute personne et toute personne de notre entourage. Et avant de commencer à parler de l'akhlaq, l'akhlaq, l'hasana, l'hamida, il y a quelques points qui sont très importants, qui sont des règles fondamentales avant d'entamer ce sujet-là, que je souhaite rappeler. Le premier point, c'est qu'il faut savoir que quand on parle du comportement et de l'adab en islam, les règles de bienséance, les règles de politesse, nous parlons de trois catégories de adab, et non pas d'une seule, comme le pensent beaucoup de musulmans. La première catégorie de l'adab et des règles de bienséance, c'est l'adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'adab avec Allah subhanahu wa ta'ala, notamment avec la concrétisation de tawhid. Celui qui n'a pas de tawhid, il n'a pas de bon comportement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et saisir. Ensuite, nous avons, et bien évidemment, les comportements et les règles de adab qu'on doit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreuses. J'ai cité la plus importante, qui est at-tawhid. C'est pour ça le croyant qui connaît sa religion, il n'est pas leurré par le bon comportement d'un mécréant avec les gens. Il n'est pas leurré par ça. Car il se rappelle que cet homme a le pire des mauvais comportements qui existent sur terre: l'associationnisme et la mécréance. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, qui est l'adab avec le messager d'Allah alayhi salatu wa salam et avec sa législation. Al-adab avec le messager d'Allah alayhi salatu wa salam, croire en sa véracité comme messager prophète d'Allah et qu'il est le dernier des prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens de la terre, et de suivre sa sunna, et de ne pas faire passer les paroles et les avis de qui que ce soit avant la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Donc quelqu'un qui fait le bid'a, les innovations, et qui adore Allah avec ce que le prophète alayhi salam n'a pas légiféré, il a un mauvais comportement avec le Nabi alayhi salam. La troisième catégorie, c'est l'adab avec les créatures. Et dans les créatures, rentre le kuffar, rentre les dirigeants, les présidents, les rois, les esclaves, les servantes, les épouses, les mères, les sœurs, les frères, différentes catégories de personnes. Et dans notre religion, il nous a indiqué le bon comportement avec chacune de ces catégories-là. Donc ça, c'est le premier point. Quand on parle de l'adab et du comportement, il ne faut pas le résumer à l'adab avec la créature. Comme vous l'avez constaté, ça vient en troisième lieu. Donc quand vous lisez que celui qui a le bon comportement, il est dans le degré le plus élevé du paradis, il ne faut pas s'imaginer que quelqu'un puisse arriver à ce degré-là sans la concrétisation de tawhid, sans l'adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas s'imaginer que quelqu'un puisse arriver à ces degrés-là sans la pratique des obligations religieuses. On n'arrive pas à ces degrés-là avec la négligence et le délaissement de salat et ainsi de suite, juste parce qu'on a un sourire quand on rencontre les gens ou on est agréable et on est gentil. Bien évidemment, c'est pas ça qui est voulu. Cette classification que j'ai citée et la deuxième également, la plupart des points que je vais citer sont tirés de livres de l'imam Ibn al-Qayyim, Madarij al-Salikin, un livre extrêmement précieux, surtout dans le domaine duquel nous parlons. Sa meilleure édition, c'est l'édition de Alam al-Fawaid. C'est une édition qui a été bien travaillée de ce livre, et c'est la meilleure jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un livre précieux qui ne convient pas à un débutant. Qui ne convient pas à un débutant. Pour plusieurs raisons que je ne citerai pas ici. La deuxième faïda qui a été citée par l'imam Ibn al-Qayyim également dans son livre Madarij al-Salikin, c'est de savoir que quand on parle du bon comportement, il faut savoir que tous les bons comportements reviennent à quatre comportements. Tous les bons comportements reviennent à quatre, qui sont les origines et les fondements de tous les bons comportements. C'est-à-dire celui qui a réuni ces quatre, ils vont lui permettre d'acquérir le reste des bons comportements. Le premier, c'est as-sabr, l'endurance. As-sabr qui te permet de supporter le mal des gens et de ne pas leur faire du mal. qui te retient de leur faire du mal, également qui t'aide à supporter leur mal. Le deuxième comportement, c'est al-iffa. Sabr, bien évidemment, cher Abdelaziz Ben Baz, il ne l'a pas cité dans ce qu'il a cité comme exemple, mais cher Rahimallah, il n'a pas cité tous les bons comportements. Il en a cité quelques-uns et il a cité les plus importants. Rahimallah. Le deuxième, c'est l'iffa. Celle-ci a été citée. L'iffa, qui est la chasteté, le fait, la chasteté, dans son sens particulier, mais dans son sens général, l'iffa, c'est l'abstinence et la continence. L'abstinence de toute chose interdite, notamment des turpitudes et des choses blâmables et de tous les interdits de manière générale. Le troisième, c'est ash-shaja'a, le courage et la bravoure et l'audace. Le courage, c'est une force de l'âme. Un homme ou une femme courageuse, brave, qui a de l'audace, c'est une personne ayant une force de l'âme. Et cette force de l'âme, qui se manifeste dans le courage, elle va faire que la personne, elle va toujours chercher les choses hautes et élevées, et elle va s'éloigner des bassesses. Et également cette force, elle permet à l'individu de donner les choses qu'il aime et auxquelles les gens sont attachés. Il arrive avec cette shaja'a, cette force de l'âme, à donner les choses qu'il aime. L'argent et les nourritures, tout ça, il les donne, fi sabilillah. Donc, ça, c'est le troisième qu'il a cité, rahimallah. Et le quatrième, shaja'a, l'imam Abdelaziz Ibn Baz l'a cité également. Le quatrième, c'est l'adl. Donc, bien évidemment, il y a des comportements qui se rejoignent. Il y a des comportements qui se rejoignent. Le quatrième qu'il a cité, rahimahullah, c'est al-adl. L'adl, la justice et l'équité, qui fait que tu vas être dans une modération dans toutes tes affaires. Tu seras dans une modération, dans un juste milieu, dans toutes tes affaires. Et que tu n'auras ni laxisme, ni exagération. Donc tous les bons comportements reviennent à ces quatre-là. Également, tous les mauvais comportements reviennent à quatre mauvais comportements, qui sont l'ignorance. L'ignorance qui va faire que tu vas voir le mal comme un bien. Le deuxième, c'est l'injustice. L'injustice, c'est-à-dire placer les choses non pas à leur place, placer les choses non pas à leur place qui leur convient. Et de cette manière, tu vas être en colère au moment où il ne faut pas être en colère. Tu vas donner où il ne faut pas donner. Et ainsi de suite. Le troisième, c'est shahwa, l'envie. L'envie qui va donner lieu à l'avidité et la cupidité, l'attachement aux envies de ce bas monde et qui va faire pousser l'individu à tomber dans la transgression et dans les péchés comme la fornication ou autre, et comme le vol également. Et le quatrième, c'est al-ghadab. Al-ghadab, La colère qui pousse l'individu vers l'orgueil et vers l'enviosité et vers la rancune et la transgression. Comme les bons comportements ont quatre origines, les mauvais ont également quatre origines. Et si on veut résumer cela, il faut savoir que dans l'être humain, ça aussi c'est ce que je vais dire, c'est le résumé de ce que l'imam Ibn Qayyim a dit dans un long passage, dans son livre Madaj Sarikin. Il faut savoir que dans l'être humain, il y a deux forces. Il y a deux forces. On a vu que tout mal vient de l'ignorance, ou l'injustice, ou la colère, ou les envies. C'est pour ça, dans l'être humain, il y a deux forces. Une force qu'on appelle la force colérique, et la deuxième, une force dans les envies. Une force dans la colère et une force dans les envies. Donc, dans n'importe quel humain, et ça c'est commun entre les humains et les animaux également, c'est commun entre les humains et les animaux. Dans n'importe quel humain, tu trouves qu'il y a ces deux forces, la force de la colère et la force des envies. Et l'imam Ibn Qayyim a donné une parabole. J'attire votre attention à l'écouter et à bien la méditer, qui te résume ce domaine des comportements, bon et mauvais. Car chaque bon comportement se trouve entre deux extrêmes qui sont des mauvais comportements. Chaque bon comportement se trouve entre deux extrêmes qui sont des mauvais comportements. Et ça, tu peux l'appliquer partout, partout, partout. Et ici, tu prends l'exemple de la courage, shaja'a. Shaja'a, c'est un bon comportement. Et shaja'a, elle se trouve, le courage et l'audace et la bravoure, elle se trouve entre deux extrêmes. Elle se trouve entre al-jubn ou al-khawf, et l'autre extrême, c'est tahawur, ou al-taish, ou al-safah. Le courage, il se trouve entre la lâcheté et la peur. Et il se trouve également, l'autre extrême, c'est tahawur, c'est l'imprudence et la folie et l'étourdissement, et ainsi de suite. Donc un homme courageux, il fonce quand il faut foncer, et il s'avance quand il faut s'avancer. Un homme peureux et lâche, il ne s'avance pas quand il faut s'avancer. Il recule, il prend peur. Et un homme fou et imprudent, il se jette d'une montagne pour montrer son courage. Quel intérêt en cela? Que de se donner la mort. Ça, c'est pas un courage. Et il se lance dans des choses à grand risque, dans lesquelles il y a un danger imminent et quasi sûr. Ça, c'est pas du courage. Il n'y a pas d'intérêt derrière son acte. Il n'y a pas d'intérêt derrière son acte. Ça, c'est pas du courage. Comme bien même les ignorants peuvent le voir comme un courage. Le courage, c'est de s'avancer quand il y a un intérêt et quand il y a une maslaha. quand bien même il y a des risques. Quelqu'un qui sort dans le combat, dans le sentier d'Allah, quand ceci est légiféré, bien évidemment, il y a le risque de se faire tuer. Mais comparé à la récompense et à la rétribution de cet acte, ce risque est minime. Et car dunya, ce n'est pas un objectif pour le croyant. Dunya, ce n'est pas un objectif. C'est un moyen, un tremplin pour l'akhira, pour gagner la satisfaction et l'agrément d'Allah. Donc je disais que l'imam Ibn Qayyim a donné une parabole par rapport à ces deux forces qu'a l'être humain. Et comment arriver, car la question que se posent beaucoup de gens, j'ai des mauvais comportements innés et je n'arrive pas à les changer. Je n'arrive pas à acquérir les bons comportements. Jusqu'au point où certains ils disent que c'est pas possible de changer la nature d'un être humain. Quelqu'un qui se met en colère souvent, c'est pas possible de le changer en un homme qui contrôle sa colère. Et ça, c'est faux. Vous allez le comprendre d'une manière très claire à travers cette parabole. Il dit, rahimahullah, que l'exemple de ces deux forces dans l'être humain, qui sont dans sa nature humaine, yani Allah nous a créés ainsi, avec ces deux forces, la force de la colère et la force de l'envie, de manière générale chez les humains, également chez les animaux. Donc l'exemple de ces deux forces, c'est comme un fleuve qui descend d'une pente très forte. C'est comme l'exemple d'un fleuve qui descend d'une pente très forte et qui traverse les maisons et dans sa descente, il traverse les maisons de certaines personnes. Donc les gens sont de deux catégories par rapport à ce phénomène. La première catégorie, c'est ceux qui ont les deux points qu'on a vus précédemment. Al-jahl wa al-zulm. Al-jahl wa al-zulm. Les gens de l'ignorance et de l'injustice. Ça, c'est la première catégorie. Ceux-là, ils ont vu le fleuve dans sa descente. Un fleuve ou là une rivière, ils l'ont vu, la manière dans laquelle elle descend, ils se sont allés dans le sens de ce fleuve. Ils l'ont laissé tel qu'il est. Ils l'ont laissé tel qu'il est et ils n'ont rien fait pour l'éloigner de leur maison et protéger leur village. Ils se sont allés dans le courant du fleuve et de cette rivière. Ça, c'est les ignorants et les injustes. Et le résultat, c'est que le fleuve a tout détruit. Ou plutôt la rivière. La rivière a tout détruit. Elle a détruit leur champ de zira'at. Leur champ agricole et leur terrain, elle a tout détruit. Donc ça, c'est les ignorants et les injustes. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont compris le danger de cette rivière. Ils ont vu la force avec laquelle elle descend. Et ils ont décidé d'agir afin de se préserver de son mal. Après cette deuxième catégorie, ils se sont divisés en trois sous-catégories. La première, ils ont essayé de construire des barrages. Afin de stopper la rivière pour qu'elle ne détruise pas leurs biens et leurs intérêts. Mais ceci a été sans résultat, car une rivière qui descend avec autant de force, c'est pas possible de la stopper de cette manière. Et leurs efforts étaient en vain. Malgré tous leurs efforts, c'était en vain, et la rivière a aussitôt détruit ses barrages et elle a continué son cours. La deuxième sous-catégorie, parmi ceux qui ont l'ilm et l'adl, la science, et qui veulent se préserver et préserver leurs biens, ils ont vu que la première catégorie, avec ses barrages, n'a rien réussi. Donc ils se sont dit, nous, on va essayer de stopper la rivière à la source. Ils sont partis directement à la source et ils ont voulu stopper cette rivière. Et ça, bien évidemment, c'est des efforts immenses avec des résultats minimes. Donc, ils ont perdu beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et également, sans résultat. La troisième sous-catégorie, ce sont ceux qui ont vu que la rivière, avec la descente qu'elle a, et la force de courant qu'elle a, c'est pas possible de la stopper avec des barrages. Comme il n'est pas possible de l'arrêter à la source, car c'est une rivière très forte. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont orienté le courant de la rivière en l'éloignant de leur maison et de leur demeure, en l'orientant vers d'autres endroits où c'est devenu profitable pour eux. Donc, ils se sont préservés du mal de cette rivière et ils ont tiré un immense profit avec un petit effort comparé aux deux autres catégories parmi les gens du bien. Donc, ces trois catégories, c'est les gens du bien. Ce sont des gens du bien. Car ils font des efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la façon d'agir n'était pas la même. Il y en a qui ont essayé de construire des barrages et de mettre des barrières qui n'allaient pas résister à la force du courant de la rivière. D'autres ont essayé de couper la rivière et de l'arrêter à la source et ceci également été très difficile et sans résultat. La troisième, c'est ceux qui ont compris que cette rivière, c'est pas possible de l'arrêter. Avec des barrières ou avec des barrages ou avec des, ou à la source. Et que le seul moyen était de l'orienter de manière à se préserver de son mal et tirer le maximum de profit d'elle. Donc, pour revenir à ces deux forces, la force de la colère et la force de l'envie. Donc, la force de la colère, la troisième sous-catégorie, la force de la colère, ils l'ont orientée, donc ils ont compris qu'ils ont cette force de colère. Ils n'ont pas essayé d'arrêter cette colère, car c'est pas possible, c'est dans ta nature. Mais ils l'ont orientée dans le bon sens, afin d'en tirer le profit de cette colère. Et de repousser avec elle le mal. Donc, avec cette colère, ils ont eu la force dans le bien. Et la jalousie sur les croyantes et surtout, d'une manière particulière, le maharim, leurs épouses et leurs sœurs et leurs mères. Également, ils ont orienté cette colère dans le bon sens pour le combat des ennemis d'Allah et pour blâmer le blâmable et l'interdire, et ainsi de suite. Également, la force des envies qui est en eux, si on revient à la deuxième catégorie, qui ont essayé de stopper cette rivière à la source, ici, ils ont essayé de ne plus avoir d'envie. Ils se sont interdits les rapports, même dans le halal. Ils se sont interdits également les nourritures et les boissons, même halal, en voulant arrêter ces envies à la source. Et ça, c'est pas possible. Contrairement à la troisième catégorie, qui ont orienté ses envies dans ce qui est bénéfique et profitable. Et donc l'envie des femmes, c'était pour multiplier les membres de la Umma et pour préserver son épouse de l'haram, et ainsi de suite, avec toutes les bonnes intentions vers lesquelles ils ont orienté ses envies. Et l'âme, de manière générale, si tu ne l'occupes pas par le bien, elle t'occupera pas par le mal. Si tu ne t'occupes pas par le bien, et tu restes dans le vide, alors ton âme, ton nafs, t'occupera par le mal. Et si les forces qu'Allah a mis en toi, tu les utilises pas dans le bien, alors ils seront utilisés dans le mal, forcément. Voilà cet exemple que l'imam Ibn Qayyim rahimallah a cité par rapport à ce phénomène que beaucoup de gens se posent, cette question, c'est-à-dire comment changer les mauvais comportements que j'ai dans ma nature. De cette manière, tu les orientes et au lieu de chercher à les combattre et les stopper, alors tu vas les utiliser dans le bien. Taïb. Cheikh Rahimallah dit, الدرس الخامس عشر, la quinzième leçon, التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. Acquérir les bons comportements qui sont légiférés pour chaque musulman. Et parmi ces bons comportements, Cheikh Rahmallah, il n'a pas cité tous les bons comportements, il en a cité quelques-uns, parmi les plus importants, à titre d'exemple. Il a dit, وَمِنْهَا الصِّدْقِ وَمِنْهَا الصِّدْقِ. Le premier qu'il a cité, Rahmallah, c'est الصِّدْقِ, la véracité. Donc, yani, le bon comportement, c'est la clé du bonheur et de la réussite et du succès du serviteur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il n'y a pas quelque chose de meilleur que le bon comportement pour avoir tous les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Il n'y a pas quelque chose pour repousser tous les maux de dunya et de l'akhira qui est meilleur que le bon comportement. Le bon comportement a un statut extrêmement élevé dans la religion de l'islam. Comme je vous ai dit hier, au point où le Nabi alayhi sallam, il a dit, quand il a été interrogé, qu'est-ce qui fait entrer le plus les gens au paradis, il a dit, taqwa Allah wa husnul khuluq. La piété et la crainte d'Allah et le bon comportement. C'est ce qui fait entrer le plus au paradis après la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui seront les plus aimés par le prophète alayhi salatu wa salam et les plus proches de lui dans le paradis, c'est ceux qui jouissent des meilleures moralités et éthiques. Et il a limité sa da'wa au perfectionnement des bons comportements et des bonnes moralités. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son noble prophète avec l'excellent comportement et l'excellence dans le comportement. Il a dit, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dans le sens, était d'une moralité très noble, d'une excellente moralité. Alayhi salatu wassalam. Et subhanallah, en langue arabe, dans le verset, Allah Azza wa Jalla il dit wa innaka certes t'es la'ala khuluqin 'azim. Comme si le Nabi alayhi salatu wa salam il a pas dit wa inna laka la khuluqan 'azim, certes t'as un bon comportement ou une bonne moralité. Il a dit 'ala, comme s'il était au-dessus du bon comportement. Cela pour donner le sens que Nabi alayhi salam a atteint dans les bonnes moralités et les bonnes mœurs, il a atteint le summum, alayhi salatu wassalam, comme s'il était au-dessus, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas traduire. Alayhi salatu wassalam. Et Nabi alayhi salam, c'est notre exemple dans tout bon comportement. Et les bons comportements, ce sont les siens. Et c'est de lui qu'on apprend nos comportements. Car son comportement, c'était Al-Qur'an. Son comportement, c'était le comportement de l'Qur'an, comme a dit notre mère Aïcha radiallahu anha. Toutes les bonnes choses auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés dans le Qur'an, tu les trouves dans Al-Nabi alayhi salatu wassalam. Et toutes les choses, les mauvaises choses contre lesquelles Allah nous a mis en garde, tu trouves que Al-Nabi alayhi salatu wassalam, il les délaisse, alayhi salatu wassalam. Un dernier point avant de parler de Sidq, très important. Il faut savoir que le bon comportement qui est profitable pour la personne, c'est celui que tu adoptes en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants, il a dit إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Nous vous donnons à manger que pour obtenir l'agrément d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense ni reconnaissance. Allahu Akbar. Ils disent que ce verset a été révélé par rapport à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Donc ça, c'est le bon comportement qui est profitable. C'est celui que tu adoptes en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas en espérant que les gens te récompensent ou t'estiment ou te complimentent. Ça, c'est pas profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, quand il adopte ses bons comportements, c'est pas parce que la personne a eu un bon comportement avec lui. C'est-à-dire que le croyant, il se comporte pas bien avec les gens parce qu'ils se sont comportés bien avec lui. Le croyant, il adopte ce bon comportement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il l'a tout le temps. Même le kafir, quand tu te comportes bien avec lui, en général, il se comporte bien avec toi. Mais qu'est-ce qui distingue le croyant du mécréant? C'est que le croyant, il œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala en espérant ce qu'il y a auprès de lui. C'est pour ça, son comportement, il ne change pas par rapport à la personne qu'il a en face. Il a toujours un même comportement. Et il se comporte avec les gens comme Allah lui a ordonné. Il ne rencontre jamais le mal avec le mal. Et c'est pour ça que tu trouves que même dans Kuffar Quraysh, il y en a qui avaient certains bons comportements, mais pas en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah. C'est pour ça que ça ne leur a pas été bénéfique. Comme Ibn Jud'an, Aïcha radiallahu anha a interrogé le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam à son sujet. Elle lui a dit, c'est un homme qui était très généreux et qui faisait. Est-ce qu'il a quelque chose auprès d'Allah? Il a dit non. Car il n'a jamais dit, ô mon Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Yani, pour dire, il ne faisait pas ces choses-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il les faisait pour l'estime, par peur d'être critiqué, ou des choses comme ça. Également la même histoire par rapport à Abu Sufyan. Quand le César des Romains l'a interrogé sur le prophète A.S., il n'a pas menti. Il a dit la vérité. Alors qu'il détestait le prophète A.S., il aurait bien aimé placer un mensonge afin d'éloigner César du prophète A.S. et de lui donner une mauvaise image de lui. Mais il n'a pas pu mentir devant les Arabes qui étaient présents. Il n'a, comme il a dit lui-même, خَشِيْتُ أَنْ يَأْثِرُ عَلَيَّ كَذِبًا. De peur qu'il prenne de lui un mensonge, qu'il a menti. Et un homme, il ne doit pas mentir. Pourtant, certains salafs, ils ont dit, si le mensonge était autorisé, jamais je n'aurais menti. Alors que dire qu'il est interdit? Et c'est même parmi les plus graves des péchés. Au point où le croyant, il ne ment pas. Le croyant ne ment pas. Il peut tomber dans beaucoup de péchés, mais pas le mensonge. Car celui qui ment, en général, il ne revient jamais. Le croyant, il peut tomber dans des choses, des interdits, des péchés, mais quand il a sidq, il reviendra toujours vers la vérité. C'est pour ça, faites attention avec vos enfants par rapport aux mensonges. Et éduquez-les sur la vérité. Et ne les punissez pas quand ils disent la vérité. Car Shaitan, c'est par cette porte qu'il va entrer pour les pousser dans le mensonge et leur donner cette habitude de mentir pour s'en sortir. Il faut leur montrer d'une manière pratique que le seul moyen de s'en sortir, c'est de dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, quelle que soit la bêtise que tu as fait, je te pardonne. Afin de gagner sa confiance et qu'il dise tout le temps la vérité. Car si l'enfant, il grandit avec cette qualité de dire la vérité, bi'idnillah, il sera dans le droit chemin. Et s'il grandit avec le mensonge, et il ment toujours pour s'en sortir, c'est dangereux pour lui. Donc, la première bonne moralité qu'il a citée, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, c'est As-Sidq. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Le Nabi alayhi salatu wa salam, il dit dans le hadith, hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, hadith très connu, très important pour tout musulman, il dit alaykum bis-sidq fa inna as-sidq yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Allahu akbar. Nabi alayhi salam dit, il nous recommande la véracité, car la véracité, dire la vérité, conduit au bien, et le bien conduit au paradis. Et l'homme ne cesse de dire la vérité, et de chercher à être véridique dans toutes ses affaires, dans ses paroles, dans ses actes, et dans tous ses états, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un homme véridique. Allahu Akbar. Donc ça, c'est l'homme qui cherche à être véridique dans toutes ses affaires. Dis la vérité comme bien même, elle est amère. Et les paroles de Salaf par rapport à la véracité et le fait de dire la vérité sont extrêmement nombreux. La véracité, c'est la source et l'origine de tout bien, comme dans ce hadith. C'est l'origine de tout bien. Dans le hadith, la véracité mène et conduit vers le bien. Et le bien mène vers le paradis. Donc la source de tout bien, comme dans ce hadith, c'est As-Sidq. Et la source de tout mal, comme la suite dans le hadith, du hadith, c'est le mensonge. Omar ibn Khattab, il a été rapporté de lui, il dit Alayka bis-sidq wa in qatalak. Dis la vérité comme bien même c'est la cause de ta mort. Et il disait, que je sois rabaissé en disant la vérité, et c'est rare où ça arrive. En général, dire la vérité t'élève dans le dunya. Mais même si ça te rabaisse dans le dunya, tu dis la vérité, t'es humilié par les gens, t'es... Wallahi, ça va t'élever dans l'akhirah auprès d'Allah. Mais en général, dire la vérité, ça t'élève dans le dunya et dans l'akhira. Il dit, comme bien même ça me rabaisse dans le dunya, et c'est rare où ça arrive, est plus aimé à mon cœur que d'être élevé avec le mensonge. Et c'est rare où ça arrive. Le mensonge peut te sauver pendant un petit laps de temps, peut t'élever pendant un petit moment, mais finit par te rabaisser et être la cause de ton humiliation. Si ce n'est pas dans le dunya, alors ça sera dans l'akhirah à coup sûr. Wallah musta'an. Et certains parmi les califes, ils disaient aux enseignants de leurs enfants, « Enseignez à mes enfants la véracité comme vous leur enseignez le Coran. » Ça, c'est rapporté de Abdul Malik ibn Marwan. Il leur disait, « Enseignez à mes enfants la véracité comme vous leur enseignez le Coran. » Coran, tu lui apprends le verset mot par mot, lettre par lettre, voyelle par voyelle. Aucune erreur n'est tolérée. Avec une grande minutie, il leur dit « Enseignez-leur la véracité de la même manière. » Allahu Akbar. Et sidq, la véracité, c'est d'informer avec ta langue, de dire avec ta langue ce qu'il y a dans ton cœur. C'est ça la véracité. Par contre, informer avec l'inverse de ce qu'il y a dans ton cœur, ça c'est l'hypocrisie. Autrement dit, la véracité, c'est le parfait accord entre l'apparence et l'intérieur. Le parfait accord entre l'apparence et l'intérieur. Donc ça, c'est par rapport à la véracité. Ensuite, il a cité Al-Amana. Al-Amana, qu'on peut traduire par l'honnêteté. Al-Amana qui est l'opposé de l'khiana. De la traîtrise, l'opposé de la traîtrise. L'honnêteté, l'homme de confiance. Cette qualité de l'amana est parmi les meilleurs comportements du croyant. Le Nabi alayhi sallam, quand il a décrit Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah radiallahu anhu, il l'a décrit par Aminu hadhihi al-umma, l'homme de confiance de cette communauté. C'est pour ça Abu Bakr voulait le choisir comme calife après le prophète alayhi sallam, à cause de cette parole. Car le Nabi alayhi sallam a dit de lui l'homme de confiance de cette communauté. Donc qui peut yani remplir mieux cette fonction de khilafa mieux qu'un homme qui a été décrit par le prophète d'Allah alayhi salatu wassalam comme étant l'homme de confiance de cette communauté. Mais les autres compagnons ont dit que celui qui le mérite, c'est Abu Bakr. Ils ont insisté pour que ce soit Abu Bakr. Et ils lui ont dit, le prophète alayhi salam t'a choisi pour nous diriger dans la salat. Il t'a agréé pour notre religion. Comment ne pas t'agréer pour notre dunya? Radiallahu anhum. Donc, notez que les deux qualités qu'il a citées en premier, Cheikh Ibn Baz, c'est As-Sidq wal Amana. C'est les qualités par lesquelles décrivait Kuffar Quraysh le prophète, alayhi salatu wassalam. Il disait As-Sadiq wal Amin. Pour comprendre le choix du Cheikh, rahimahullah. As-Sadiq wal Amin. C'est les deux qualités par lesquelles était connu le prophète, alayhi salatu wassalam, avant l'islam. Et il était connu ainsi par Kuffar Quraysh. As-Sidq wal Amana. Même Abu Jahl, quand il a été interrogé une fois, est-ce que le Nabi al-Islam ment? Il a dit non. Il n'a jamais menti. Et même le Nabi alayhi salam, quand il a regroupé tous les Quraysh pour les avertir, quand il leur a posé la question avant de les appeler à la religion d'Allah, il leur a dit, est-ce que vous connaissez de moi que j'ai déjà menti une seule fois? Ils ont dit non. Tous d'accord sur cela. Et c'était l'homme de confiance. Il lui laissait ses dépôts en garantie. Et quand il a fait l'hijra, il a chargé Ali radiallahu anhu de rendre ce qui est resté chez lui. Allahu Akbar. Vous imaginez, il est poursuivi, il est chassé, ils veulent sa tête, ils veulent le tuer. Et ils pensent à leur amana, à leur rendre l'amanat. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amana, ça englobe, dans son sens général, toute la religion de l'islam. Toute la religion de l'islam. Et cette amana, qui est l'amana de la religion, c'est une amana qui incombe à tout croyant de l'assumer et de la préserver. Et les gens, par rapport à cette amana, l'amana de la religion, comme Allah Azza wa Jalla dit, إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, nous avons proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes d'assumer l'amana, la charge et la responsabilité. Mais ils l'ont refusé. Ils ont refusé de l'assumer et ont pris peur. L'homme l'a assumé car il est grandement injuste et si ignorant. Donc tout homme à la base, il est comme ça. Il est grandement injuste et si ignorant. Il sort de l'ignorance avec la demande de science. Allah nous a créés, on ne sait pas. Et il sort de l'injustice avec l'adl, avec l'équité et la justice. Donc les gens, par rapport à cette amana dont on a été chargé, qui est l'amana de la religion, ils sont de trois catégories, comme dans la suite du verset. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Tout cela afin qu'Allah soumette aux supplices les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, et les associâtres, qu'ils soient hommes ou femmes, et acceptent le repentir des croyants et des croyantes. Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Donc les gens, par rapport à cette amana, l'amana de la religion, ils sont de trois catégories. La première, ce sont les hypocrites, hommes et femmes, qui ont prétendu assumer l'amana dans l'apparence et qui l'ont trahi dans leur intérieur, au fond d'eux. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont négligé l'amana, la responsabilité de la religion, dans l'apparence et dans l'intérieur, en cachette et en public. Ce sont les associateurs hommes et femmes. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui ont assumé cette amana de la religion en apparence et au fond d'eux, publiquement et en cachette. Ce sont les gens de la foi parmi les hommes et les femmes. Et aussi rentrent dans l'amana les droits des serviteurs. Quand quelqu'un te laisse un dépôt en garantie, tu le préserves jusqu'à le lui rendre. Et si t'es pas capable, tu refuses l'amana dès le départ. Et ceci est meilleur pour toi, si t'es pas capable de le garder. Ou si l'amana des membres et des sens qu'Allah nous a accordés, de les utiliser dans ce que Allah nous a légiféré. La vue, l'ouïe, le toucher, et ainsi de suite. Et tous ces biens qu'Allah nous a accordés et octroyés, également c'est une amana. Ces enfants qu'Allah nous a donnés, c'est une amana, c'est une responsabilité, comme dans le hadith. Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'iyatih. Vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de ce que Allah vous a confié. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité que l'homme est responsable des gens de son foyer et la femme est responsable également du foyer de son mari et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des amanat au sujet desquels nous serons interrogés. La troisième, ou le troisième bon comportement qui a été cité par Cheikh Rahimallah, c'est l'afaf. L'afaf, la chasteté dans son sens particulier, mais dans son sens général, l'afaf, c'est l'abstinence de tout ce qui est interdit. L'abstinence de tout ce qui est interdit. Et l'abstinence en délaissant ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit parmi les péchés et les turpitudes. L'abstinence en s'éloignant de zina vers le mariage halal. Et ainsi de suite. Cheikh a cité ensuite, il a cité Al-Haya, la pudeur. La pudeur, cette grande moralité de l'islam, est parmi les grandes moralités du prophète de l'islam. Al-Haya. Le prophète, alayhi salam, était décrit comme un homme qui avait plus de pudeur que la jeune fille, la toute jeune fille qui n'a pas été encore mariée, qui est encore vierge et qui se tient le plus souvent à son foyer. Cette petite fille qui n'a pas encore vu les hommes, qui ne connaît pas les hommes, elle est d'une grande pudeur. Et ça, vous le constatez dans les petits villages. Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plus de pudeur que cette jeune fille-là. Donc la pudeur, ce grand comportement, cette grande moralité de l'islam, qui est quelque chose dans le cœur et qui se manifeste sur les membres du croyant. Et qui l'empêche de tomber dans tout mal d'une manière absolue. Et qui conduit vers tout bien d'une manière absolue également. C'est pour ça, comme il a été rapporté dans le hadith, Al-Haya'u kulluhu khayr. Al-Haya est un bien, la pudeur est un bien dans sa globalité. Il n'y a pas de mauvaise pudeur. La pudeur est un bien dans sa globalité. Ce qui peut être un mal, c'est ce qu'on appelle en arabe le khajal. Le khajal, yani la timidité. La timidité peut être un mal. Quelqu'un qui est timide et qui ne pose pas les questions pour apprendre sa religion. Ça, c'est un mal. Par contre, la pudeur, c'est un bien dans sa globalité. et ça conduit vers tout bien, et ça éloigne de tout mal. Et celui en lequel il n'y a pas de pudeur, ou sa pudeur est faible, il va tomber dans les péchés et les turpitudes. Pour ça, il a été rapporté dans le hadith, « Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula. Idha lam tastahi fasna' ma shi't. » Parmi les paroles qui sont rapportées des prophètes d'avant, parmi les prophètes et messagers d'Allah, « Idha lam tastahi, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que tu veux. Si la pudeur ne t'empêche, si tu n'as pas de pudeur pour t'empêcher du mal, alors tu vas faire et tout ce que tu veux et tu ne vas même pas te gêner. Tu vas voir une femme qui se balade d'or sans couvrir ses cheveux, sans... Yani, et pour elle, c'est tout à fait normal, car elle n'a plus de pudeur. Il n'y a plus de pudeur. Et le croyant a toujours un minimum de pudeur. Celui qui a zéro pudeur, c'est un mécréant. Lakin, le croyant, il a toujours un minimum. Elle peut faiblir dans son cœur, mais elle disparaît jamais totalement. Et ça, c'est valable pour la pudeur, pour tawakkul, pour toutes ces adorations du cœur, pour l'amour d'Allah, la crainte d'Allah. Il n'y a pas un croyant qui a zéro crainte d'Allah dans son cœur. Ça, c'est le mécréant. Mais la crainte, elle peut faiblir dans le cœur du croyant, yani à des degrés très bas. Et la pudeur la plus importante dans la religion de l'islam, c'est la pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, il est rapporté de Uthman, qui a atteint des degrés très élevés dans la pudeur, qu'il cachait sa aura, même quand il prenait sa douche tout seul, et qu'il n'a jamais regardé ses parties intimes. Et des choses comme ça qui démontrent la grande pudeur sur laquelle était Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez Aïcha radiallahu anha, il était un peu allongé. Quand Abu Bakr est entré, il est resté dans la même position. Omar radiallahu anhu dans la même position. Quand Uthman est entré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis. Et Aïcha s'est étonné radiallahu anha. Pourquoi tu as fait comme ça avec Abu Bakr et Omar, alors que Abu Bakr et Omar sont meilleurs que Uthman? Il a dit, Ala astahi min rajulin, tastahi minhu al malaika. N'ai-je pas pudeur d'un homme dont les anges ont pudeur de lui? Allahu Akbar. Des hommes qui marchent sur terre et qui atteignent ces degrés dans la foi. Allahu Akbar. C'est quelque chose d'incroyable. Ce sont les compagnons de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Je pensais finir aujourd'hui, je voulais faire les deux leçons, on n'a même pas fini la première leçon. Lakin khair, inshallah. Comme on se rappelle toujours, le but, c'est pas de terminer, mais le but, c'est de profiter au maximum, inshallah. Donc on va s'arrêter sur la pudeur, et demain, inshallah, nous continuons avec le courage, et nous ferons la 16e leçon également. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.